la lomo.

soit là où y est. Si vraiment vous voulez vivre, sous moi, bête, c'est de fouler. Oui, quelqu'un soit là où y est. C'est de fouler à 100%. Surtout pas faire mauvais sang. C'est de fouler à 100%. La la la la la la. folle. La vie c'est en femme frivole. Les comprends nous sont des prix. Pas dit ni monde qui plie prix. Les comprends nous sont mon aimé. Longtemps yo j'ai condamné. Les aussi la tête compter, c'est pour faire compter ses misères. Faut nous courager, faut pas colérer si nous voulons river. Les aussi la tête compter, c'est pour faire compter ses misères. Faut nous courager, faut pas colérer si nous voulons river. Car la vie, t'y ni gros surprise, la vie, t'y ni réussite, la vie, t'y ni poésie, la vie, t'y ni fantaisie, la vie, pas qui plus jolie, la vie, vraiment très jolie, la vie. Depuis on peut bosser, même si on quatrime, faut on savent qu'un bain. Car après la soirée, après la corvée, on peut respirer. Depuis on peut bosser, même si on quatrime, faut on savent qu'un bain. Car après la soirée, après la corvée, on peut respirer. Car la vie, qu'apporte malheur, la vie, qu'apporte bonheur, la vie, qu'apporte richesse, la vie, mais aussi détresse, la vie, faut nous respecter, la vie, faut nous honorer, la vie. Yeah. Parce que c'est vous qui lancez la joie. M'aimer, m'aimer. Parce que c'est vous qui la joie. Alors, chire. vrai. Venis, ayo vle. Venis, ayo demandé. 100% pourquoi yo pani? Que j'ai mis. Mais prenez le monde, y'a qu'à foutre et pousser moins.

voilà. parce que faut nous parler. I'm j'en soye, qui j'en Lè ou passe belvédè a vire à gauche monte mon nom bon casse blanc c'est pas comme ça j'achète à la casse ou voya si ni des autres c'est habitué passe musique la pèque baisse Comme qui dernier fait pas nous affaire tessise si on est mal bien ou on est souillé la bouteille est pas commandé mais pour manger pas calculé les musiques la cadre vous les habillez pour nous aller Shit! dernier feu. Panis à faire te cisé. Si on est mal pied, ou on est soulié. La goutte de yé pour commander. Et pour manger pas calculé. Les musiques la cadé pour laisser à pied pour nous aller. Thank you. Get down. présent mouvé, rêvant nos réalités. Et moi quand on m'en met, pas si au content c'est vous qui l'a. Vous c'est l'entrée mené, l'argent dit mon carité. Pour moi je préfère découvrir, en qui j'en la vie fait si crée. Mako no malava ni la turbine ka travail gade si wou ni pote la mes amis no me mako no malava ni la turbine ka travail gade si wou ni mene ba mes amis. Dans la mienne, me faisait penser encore. toujours au cœur. Marions nos sentiments comme nous l'avons fait pour parents. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Sous les alizés. marchandises, fais un comprendre, monsieur. C'est un qui plus fort, c'est un qui meilleur. Oh, oh, oh. Allez, la pointe, c'est bon. Allez, basta, c'est bon. Monsieur bon, monsieur bon, monsieur bon, monsieur bon, bon. La go, tout pour la go.

comment mon moine Conti bolo Nous te cavine à d'anti côté Yo kakri nous font zombie C'est ça yo dit Et y'a kai nous même la cou Et comment zale voisine Oh belle chabine Elles sont pas terrées Bonjour d'avouer Quand même est mauvais la vie C'est ça vous dit Femme comme là Jusqu'à compter Et pour les maris yo C'est ça yo dit Pour moi t'éveiller, ça qui devrait passer, c'est ça qui veut rire. pas jamais oublié. C'est parce que ça lui a été. Jodi là, nous pouvons trouver tigre dignité, solidarité. Quand est dans nos qualités, laissez chimer qui clairé. Jodi là, nous pouvons les bayou l'homme, bayou bel homme.

yon konton Kawazot ka chante Kawazot tout kari E pi le me yon wou On nou fè nou plezi On y la jè kwa zot la jè Attention Le mot de vie c'est en position Tout le monde En position C'est parti Pa, pa, roule Pa, pa vrai, ça nous fait faire ensemble. Même si nous pas qu'à son histoire, nous pas t'es perdre dans le coup de nous périver plus loin. Si bagay pas bita, compte l'en main. C'est toujours un petit peu lavé l'autre bien. Mais en cas dit, en certain, nous qu'est qui veut nous si nous songe. Bagay, c'est pas bita. Ouais, accepté. Ouais, il n'est pas ça. Ouais, yeah, yeah, yeah. Ouais, nous savons la nuit. C'est pas chanté, nous comptons, ouais. Yon qu'a s'enfile, ouais. Et avant l'amour c'est respect nous pétine. Mes amis, un bel côté.